Amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour effectuer votre oracle de Béline concernant vos amours en octobre 2023. Que va nous dire les cartes pour les célibataires ou les couples? On va voir cela ensemble. C'est parti. Alors, la coupe. Oups. Bon, la coupe, elle est bonne. Elle parle de... Ouh là là, dites donc. Gémeaux, je ne sais pas ce que vous allez faire en amour ou en sentiment. Vous allez avoir énormément de succès. En tout cas, on a une très, très, très bonne opinion de vous. Donc, mais même, c'est plus large que l'amour. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être l'amitié, ça peut être familial. En tout cas, en général, même le voisinage, etc. Tout le monde a une excellente opinion de vous. Vous allez être un petit peu mis en vedette d'une manière ou d'une autre. Bon, ça, c'est la coupe. Maintenant, on va voir. Hein. Elle colore le jeu, mais le tirage n'est pas forcément dans le même sens. Amour, amour, amour. Gémeaux 2023. Ah oui, il y a du nouveau. Est-ce que c'est... Ouais. De nouvelles entreprises. Alors, bah écoutez, alors pour les célibataires, hein, on va changer, je vais commencer par les célibataires. Bon, il y a peut-être eu un petit coup de mou dernièrement. Peut-être le besoin de se reposer, de se mettre un peu en recul. Mais par rapport à cela, devant vous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nouvel envol affectif. Et peut-être l'envie, pour certains, de se remettre, de se mettre en famille. Ou en tout cas de s'approcher, de construire quelque chose en couple dans l'idée peut-être plus tard de rejoindre une famille, en famille recomposée, ou de créer vous-même votre propre famille. Ici, on a l'épanouissement affectif, l'épanouissement de votre féminité ou de votre virilité selon votre identité. Et à ce moment-là, de toute façon, qu'est-ce que cela indique? C'est qu'au mois d'octobre, vous allez avoir une nouvelle rencontre qui va vous permettre de redémarrer différemment et avoir envie. C'est comme si d'un coup, par rapport à peut-être une envie pour vous de vous mettre entre parenthèses dernièrement, là, vous redémarrez autrement et vous avez à nouveau envie de prendre des initiatives amoureuses et de rencontrer quelqu'un. Et donc, ça peut se produire au mois d'octobre. Voilà, pour les couples, qu'ils aillent bien ou pas bien au moment du tirage, c'est vrai que cet oracle, il vous annonce normalement également un nouveau départ affectif grâce à la famille. C'est la famille qui vous, ou les idées de famille qui vous rassemblent, et grâce à cela, eh bien, vous allez pouvoir retrouver un bel équilibre ou continuer de vous épanouir si tout allait bien à travers un nouveau projet. Je dirais qu'il lie le couple et la famille en même temps. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon mois d'octobre.